Benvenuti su Radio Panic e lo speciale pasta party di Tortoli e Arbatax. Oggi penne rigate per tutti! Ciao! Benvenuti Arbatax. Benvenuti Tortolino. Come va? Bene. Vous êtes sur Radio Panique. Aujourd'hui c'est la spéciale Italia. Pasta party. El numero uno. Il y aura deux émissions. Aujourd'hui c'est penne rigate. Avete capito? Générique c'était il coccodrillo come fa. Et direct après, amigo, Arbatax, come fa? Après, on passe Raffaella Cara. A fare l'amor comincia tu. Et juste derrière, on va vous mettre tutto cugno l'italiano. On pouvait pas ne pas vous le mettre, quoi. C'était inévitable, quoi. C'était comme du parmesan dans la bolognaise. C'est parti! Vai, vai, vai! Comincia tu, a far l'amore comincia tu. Se lui ti porta su un letto vuoto, il vuoto daglielo indietro a lui. Fagli vedere che non è un gioco, fagli capire quello che vuoi. A far l'amore comincia tu, a far l'amore comincia tu. E se si attacca col sentimento, portalo in fondo ad un cielo blu. Le sue paure di quel momento le fai scoppiare soltanto tu. Scoppia, scoppia, mi scoppia. Scoppia, scoppia, mi scoppia il cuore. Scoppia, scoppia, mi scoppia il cuore. Live, live, live, live, live. È un disastro se te ne vai. Scoppia, scoppia, mi scoppia. Scoppia, scoppia, mi scoppia il cuore. A far l'amore comincia tu. A far l'amore comincia tu. Scoppia, scoppia, mi scoppia. Scoppia, scoppia, mi scoppia il cuore. Scoppia, scoppia, mi scoppia.

Cominciato, suivi de Tutto Cugno, l'italiano, ça c'est un bon vieux classique. Et là, on va pouvoir s'enchaîner. Et là, qu'est-ce qu'il nous propose, Arbaton ? Là, Arbatax, il dit quoi ? Il dit, on va partir sur un Eduardo Vianello. Le morceau s'appelle I Want to See. Eduardo Vianello, un bon vieux romain de Roma. Et puis ensuite, sur un jeune groupe, No Brain No, qui est la connexion de deux groupes de Rimini. Un groupe qui s'appelait No Brain. Et un groupe qui s'appelait Brain No, pardon. Et donc, yes, ça donne No Brain No. Et la chanson s'appelle Piena Gioventù. Je vous invite à aller voir ça sur leur MySpace. C'est des gars de Rimini, il me semble. Rimini, c'est Rimini, ça. La ville de Marco Pantani. Ouais. El Pirate. Bah, normal, un peu de culture sportive pour vous qui jouez Question pour un champion online. C'est l'occasion. Ça peut servir. C'est aussi l'occasion de vous balancer les dates du Giro de cette année 2010. Le Giro, le Tour d'Italie, le Tour cycliste. Évidemment, le Tour du dopage. Ça serait du 8 au 30 mai. Au 22 mai ou au 30 mai. Sûrement, mais de toute façon, on n'y sera pas. Chers amis cyclistes, rendez-vous en mois de mai pour le Giro. Allez, on vous balance les deux morceaux, Eduardo Vianello et No Brain No, après la réclame. Terre présente, Lily Cube, voyage en Italie. Parce qu'il faut bien qu'on mange. On s'en ira toute la vie dans le calypso. Et tout le charme de la pop de Lily Cube avec leur nouveau CD de titre Voyage en Italie. Nel continente nero, balabonzi bonzi bo, alle falde del Kilimangiaro, balabonzi bonzi bo, ci sta un popolo di negri che ha inventato tanti balli, più famoso è l'Aligalli, Aligalli, Aligalli. Siamo i Vatusi, siamo i Vatusi, gli altissimi negri. Ogni tre passi, facciamo sei metri. Noi siamo quelli che nell'equatore vediamo per primi la luce del sole. Noi siamo i Vatusi. Siamo i Vatusi, siamo i Vatusi, gli altissimi negri. Quello più basso, è alto due metri. Qui ci scambiamo l'amore profondo, dandoci i baci più alti del mondo. Siamo i Vatusi. Alle giraffe guardiamo negli occhi, agli elefanti parliamo negli orecchi. Se non credete, venite qua giù, venite, venite qua giù. Siamo i Vatusi, siamo i Vatusi, gli altissimi negri. Ogni tre passi, facciamo sei metri. Ogni capanna del nostro villaggio ha perlomeno tre metri di raggio. Siamo i Vatusi. Nel continente nero, alle falde del Kilimangiaro, e ci sta un popolo di negri che ha inventato tanti balli, più famoso è l'Aligalli, Aligalli, Aligalli. Siamo i Vatusi, gli altissimi negri. Quello più basso, è alto due metri. Quando le donne stringiamo sul cuore, noi con le stelle parliamo d'amore. Siamo i Vatusi. Qui ci scambiamo l'amore profondo, dandoci i baci più alti del mondo. Siamo i Vatusi. Noi siamo quelli che nell'equatore vediamo per qui la luce del sole. Noi siamo i Vatusi. Nel continente nero, alle falde del Kilimangiaro, esiste un popolo di negri che ha inventato tanti balli, più famose l'Aligalli, Aligalli, Aligalli. L'incorruttibile giudizio dello specchio, che non conosce né menzogna né pietà, mi ha sussurrato che ormai io sono vecchio e che per certe cose non ho più l'età, che per certe cose non ho più l'età. Eppure ballerei tutta la notte, ma la mia donna dice che non ne può più. Guardo l'orologio, vedo che sono le 4. Forse mezz'oretta è meglio che mi butto giù. Forse mezz'oretta è meglio che la butto giù. Eppure non so stanco di far festa, anche se la mia donna dice che non ne può più. Se la vecchiaia si dimostra in questa pista, sono in piena gioventù. Sono in piena gioventù. L'incorruttibile giudizio dello specchio, che non conosce né menzogna né pietà, mi ha sussurrato che oramai io sono vecchio e che per certe cose non ho più l'età, che per certe cose non ho più l'età. E allora adesso basta, vado a casa mia con la signora che mi ha scelto per l'eternità. Mi piacerebbe che finissimo a fare follie, ma sotto le coperte dormirà. Eppure l'amerei tutta la notte, ma lei mi dice che non ne può più. Se la vecchiaia si dimostra in questo letto, sono in piena gioventù. Sono in piena gioventù. E allora adesso basta, vado a casa mia con la signora che mi ha scelto per l'eternità. Mi piacerebbe che finissimo a fare follie, ma se con le coperte dormirà. Eppure l'amerei tutta la notte, ma lei mi dice che non ne può più. Se la vecchiaia si dimostra in questo letto, sono in piena gioventù. Sono in piena gioventù. Yes. Radio Panique, il est 18h20, c'est l'heure de l'agenda Q, l'agenda culturel, l'agenda culturel. Il est donc 18h25, c'est l'agenda culturel de Tortoli. Yes. Tortoli, qu'est-ce que tu nous réserves pour cette semaine? Outre le Giro, début mai, J'ai des petites infos ça, pour ça. C'était vous. Déjà un super bon plan, quoi. Le Giro, c'est pas mal, ouais, ouais. C'est une sorte de base dans l'été italien, je crois. Tous les fans de Marco, de Cipollini, de Capucci, tout ça. Du pirate. Je dirais que l'été italien se résume juste entre le 8 et le 22 mai, quoi. C'est un peu réducteur, mais il y a de ça. C'est une sorte de petit racisme que tu nous fais là. Non, pas du tout. Pas du tout. Mais dans Tortoli Arbatax, on aime bien chambrer un petit peu, tu sais bien. Voilà. Alors, Tortolino. Donc, ce que je vous propose pour mon agenda Q, ce serait Dan Le Sax, Crobius Pip, c'est ce soir, 12 euros. Mais je pourrais te la faire un peu tout voir, mon ami. Ah oui, d'accord, je vois en référence à... Ce qui est important. Voilà. C'est Dan Le Sax, Crobius Pip, à la baie, à l'ancienne Belgique, tu payes 12 euros. C'est rien, 12 euros. C'est niente. Tu as raison, Tortolino. Mais bon, si je fais l'agenda comme ça, on va y passer des heures. Exact. Alors, tu peux reprendre la voix normale. Ou tu gardes celle-là. Moi, je m'en fous. Hein. Et en plus, j'ai l'impression de mettre plein de postillons sur le micro. C'est bizarre. Impossible. Donc, reprenons normalement. À part Dan Le Sax, Crobius Pip, ce soir, 12 euros à l'ancienne Belgique. Il y a une petite exposition, enfin plutôt une grosse exposition qui fait partie de la Biennale de la photo africaine. Ça se déroule à la centrale électrique. Le titre de l'exposition, c'est Frontières. La centrale électrique, c'est située juste derrière Sainte-Catherine. L'exposition a lieu du 5 mars, donc ça a déjà commencé depuis un bon mois. Et jusqu'au 16 mai. Voilà, courez-y vite, c'est la 8e édition des rencontres de Bamako, Biennale africaine de la photographie. dans un autre style, mais tout aussi sympathique. Je vous propose le festival Hopla. C'est le festival des arts du cirque qui a lieu du 16 au 25 avril à Bruxelles-les-Bains, bien sûr. Quartier Sainte-Catherine, donc c'est à la fois sur la place Sainte-Catherine, samedi et dimanche, vous pouvez assister gratuitement à toutes les démonstrations de jonglerie, de pitrerie, etc. Il y a aussi une représentation, il me semble, à Tour et Taxi dès jeudi. Voilà. Celle-ci est payante. Bref, j'ai aussi pour jeudi, le 15 avril, un concert au Café Central. Et c'est gratuit, monsieur. Oui, monsieur. Oui, monsieur. De police. À partir de 19h30, vous pouvez retrouver OK Cowboy ainsi que la tête d'affiche Romano Nervoso. Nervoso. Qu'on pourrait traduire par Romain le Nerveux. Hey. Certains se reconnaîtront. Ah, prends ça, Romain Nerveux. Voilà. Voilà mon agenda Q, Herbatax. Tu veux réagir, tu... Moi, réagir sans ton agenda Q. Jamais, jamais. Moi, j'attends le tien avec impatience. En parlant de nervosité, on va justement éviter toute nervosité et on va se mettre un petit son avant mon agenda culturel dans 3 minutes. En attendant, c'est un petit son typique napolitain, une petite musique traditionnelle. Excusez-moi, on connaît pas le titre, ça c'est ressorti du grenier. De ma grand-mère, de ma grand-maman. De la nonna, de la sapeté du grenier de la nonna. Et par contre, on n'a pas retrouvé le titre, alors si toi, cher auditeur, tu sais par hasard le titre de cette chanson, tu peux nous l'envoyer via Facebook. Hein, parce qu'on n'a pas le titre, désolé, mais en tout cas, c'est très bien. On se met le petit song. Et pour tous ceux qui n'ont pas Facebook, il y a aussi Gmail. tortolierbatax@gmail.com. On revient tout de suite pour un autre agenda culturel. Stai sempre qua, in punta di camminare sta via. Non mangia più, non dorme più, che fa con dria. Quei piccioli che venne a di sta gelosia. Tu vuoi soffrire, tu vuoi morire, chi tu fa fa? Corre in braccia tua mamma, non fa scema piccioli. Dilla tutta la verità, che mamma te può capire. E passa sotto a sto barcone, ma tu sei guaglione. Tu non conosci femmina, sei ancora così giovane. Tu sei guaglione che te mi sancapa, va giù con pallone. Che vonneresti lacrime, va a te non mi fa ridere. Corre in braccia a tua mamma, non fa scema piccoli. Dilla tutta la verità, che mamma te può capire. Non pensa a te, non so per te che l'occhio è bello. Non avanzava a pazziare che guaglioncello. Non t'ha valito, c'è tempo di per te inguaiare. Chi desidera evasare, scorda della piccerie. Casio dice a papà, chissà come va a farne. Conosce femmina, sei ancora così giovane. E la passione più forte è una catena. Corre in braccio a tua mamma, quando, non fa scema piccoli. Quando, dilla tutta la verità, quando, che mamma te può capire. Quando, stai sempre qua, in punta di camminare a sta via. Non mangia più, non dorma più, chi tu fa fa. Tum. c'est bon ça. Radio Panique, Tortoli, Arbatax, tous les mardis 18h-19h, c'est la spéciale Pasta Party numéro 1, Pene Rigate. Rigate. Dis-moi, il est 18h29, c'est l'heure de l'agenda. Q, l'agenda culturel, l'agenda culturel. Ok. Alors, Arbatax, qu'est-ce que tu nous proposes? Si, Tortolino. Dis-moi. Qu'est-ce qu'on va faire ce week-end, cette semaine? Mon agenda culturel est très, très animé, très actif, très dense, je dirais. Et pour mercredi et pour demain, des gens se reposent. Il n'y a rien demain. Il n'y a absolument niente. Alors demain, ce qu'on fait, c'est qu'on écoute le nouvel album de Gentleman. Et ouais, il est sorti lundi 12 avril. Il y a quelqu'un qui est rentré dans ton corps, là. Qui parle bizarrement. C'est Arbatax qui a retrouvé sa voix. Ça va, non, mais on peut rigoler deux minutes, mais bang. Et là, je prends même l'accent du sud. Bye. Ok, je vais prendre l'accent du sud, ok? Tu peux tout faire. L'italien, je le fais très mal, désolé. Prononciation, accent, tout ça, ça tombe à côté. Vas-y, Laurent Gérard, fais-nous rêver. Ok, je prends l'accent du sud, des gens se rapprochent. Ok. Ok. Alors, le nouvel album de Gentleman, il s'appelle Diversity. Il est sorti lundi, comme je le disais. J'ai qu'une chose à vous dire, courez écouter ça, quoi. Hein. Gentleman, on en est à, je sais pas, 4 albums studio, je crois. 4 ou 5. Sans compter les lives. Compter live, ouais. Donc celui-là s'appelle Diversity. En participation, on a quand même Patrice, Tania Stephens, Sugar Minot, Luciano, Jack Radix, Red Rose. Donc voilà, Red Gentleman, Rose. Du pur Gentleman, hein, cet album. Vous pouvez aller écouter sur son MySpace, il y a plusieurs titres qui sont disponibles déjà en écoute. Et alors, qu'est-ce qu'on fait jeudi? Bah jeudi, pareil, jeudi Maison du Peuple, Saint-Gilles. Jeudi on fait rien la journée. La journée on fait rien, non mais ça c'est normal, c'est normal Tortoli. Qui a dit que les Italiens étaient feignants? Et le soir, à partir de 20h, on se fait une petite soirée battle graphique à la Maison du Peuple à Saint-Gilles. Ces soirées s'appellent les Visual Domain. C'est la deuxième fois qu'ils font cette soirée. En fait, ça consiste en un match, une sorte de battle de graphistes en direct sur un grand écran. C'est un peu à la manière du théâtre d'impro. En fait, il lance un thème. Il y a deux graphistes qui se battent en direct sur des palettes graphiques. Et puis, coulion, qu'est-ce qui se passe? Tu n'arrives plus à parler. Et voilà. Donc, et ensuite, c'est le public qui vote qui est le gagnant. Ensuite, il y a aussi des DJ cette soirée. Pour s'occuper de vos oreilles. On passe à vendredi à la baie, c'est Balkan Beatbox. Ils ont un nouvel album qui est sorti il n'y a pas très longtemps, donc qui s'appelle Blue Eyed Black Boy. Pareil, va écouter ça sur internet et tu vas voir qu'ils sont toujours dans la même veine, hein, toujours une musique très internationale, très world. Et puis il t'en coûtera 20€ ou 23€. Si ça tu arrives en retard. Si c'est en pré-vente ou si tu arrives sur le feu, quoi, à vif. Quoi. Ah, à vif, si la pâte bolo a tourné. C'est ça. Si c'est collé au fond de la casserole. Donc là, voilà. on serait sur vendredi. On serait sur samedi maintenant, samedi 17. Si tu cherches quelque chose à faire samedi, tu peux te rendre au Fuse où j'ai repéré une petite soirée. 16 Years, Fuse Party. Le Fuse qui fête ses 16 ans avec entre autres, ce soir-là Jeff Miles, je sais pas comment on dit. Jeff Miles, le parrain de la techno américaine. Le Godfather de Détroit, quoi, de Detroit. Voilà, le mec du collectif Underground Resistance de l'époque. Il t'en coûtera 9€ avant 23h, 13€ à minuit. Et enfin, pour se finir en beauté dimanche. On se remet tranquille, voilà, une petite grappa, un petit cappuccino, petite grappa, et puis ensuite après la digestion dans l'après-midi. On va faire caca. Toujours dans la finesse. Non, on va voir l'expo de Frida Kahlo, c'est le dernier jour dimanche, et Frida Kahlo Isumundo, la fameuse peintre mexicaine et ses autoportraits célèbres. C'est où? C'est à quelle heure? C'est au Beaux-Arts. En fait, ce sont les 4 derniers jours, jeudi, vendredi, samedi et dimanche, donc jusqu'au dimanche 18. Ces 4 jours-là, l'expo sera ouverte jusqu'à minuit, donc ils se la font en mode nocturne. Et il t'en coûtera de 3 à 8€ suivant ta condition sociale. Oh là suivant là. Si tu as les pleins tarifs ou les tarifs réduits. Voilà, c'était l'agenda Q d'Arbatax. Bah dis donc, je note un certain progrès par rapport à la semaine dernière. Non, mais là, je suis serein, quoi. Tu aurais reçu des menaces de personnes extérieures qui voudraient un agenda. Je pense que sur celui-là, il n'y aura rien à redire. Celui-là était assez précis. Il y avait les tarots, les horaires, les lieux. Je t'interromps juste une minute. On vient de m'envoyer un message sur Gmail en me précisant qu'il y avait une exposition La Bataille à Beach, et dont le vernissage est samedi. Samedi soir. Alors j'ai pas compris. À Dove? À Dove, à Nantes. À Beach. À Nantes, ouais, à Beach. À l'ouest de Nantes. À l'ouest de Nantes. Ouais, ça peut être à l'ouest de Nantes aussi. Ça marche. L'ouest de la France, il y a une petite ville qui s'appelle Carquefou. Et à côté, il y a la grande, c'est Nantes. Et à Nantes. Au contraire. Et à Nantes, il y a une expo qui s'appelle Beach. Et voilà, c'est avec des gens qu'on aime pas trop, mais on va y aller quand même. 18h40, non 35, ça va, on est dans les temps. 18h35, t'es toujours à l'écoute de Radio Panique 105.4. C'est la spéciale. C'est Tortolier Batac spéciale Italia. Ta party. Et on repart pour un petit couple, un petit duo de chansons. Et là, on passe en mode reggae. Et là, ça envoie le pâté. Alors, auditeur, si t'aimes le reggae, reste à l'écoute et lève-toi de ton canapé. Parce que là, on envoie Mama Marjas. Voilà, et suivi de Don Rico. La The Plague. Don Rico qui est issu du collectif le Sound System. Tu veux nous la rejouer, Godfather? Merci. Et allez, rapidement, Don Rico qui viendra après, il est issu du Sound System, ce sont les vétérans du reggae du sud de l'Italie, là, hein, du Salento. Et puis Mama Marjas, elle, c'est une petite nouvelle, elle en est à son premier album. Et le morceau s'appelle Bless the Ladies. Balance le son. Écoute ça. Il a ripé de chanson. Sous madre. On va peut-être pouvoir écouter du son, Arbatax. Quand tu veux, gros. T'as tes doigts collés. Écoute ça. Écoute ça. Donc ça marche pas. On aura Don Rico d'abord et Mama Marjas après. Ok, allons-y. Sinon, quoi? Tortori! Renzo Chiu! Sentilo, sto disco ballano. Questo è il suono che le scarpa veramente dentro all'anino. Sentilo, il volume alzalo. Non c'è da non dice sette insieme a lui, tu vieni culo. Dusha voi! Dile a Don Rico ma quai, che avreste fuego ben noi. Fingiamo voi! Sinemo a quai, sento pace che hai visto il piccolo. Satta ci e che hai dice satta. Ora la musica non mi dice mai basta. Sentilo, sto disco ballano. Mi stai un suono che le scarpa veramente dentro all'animo. Sentilo, il volume alzalo. Non c'è da non dice satta insieme a lui, tu vieni culo. Sentilo, sto disco ballano. La vibrazione qui già giusta per questo momento unico. Sentilo, il volume alzalo. Finché non picchia tutta l'aria e ti senti libero. Là dentro il bruciarello di gente leziona. Tutta la gente o le musica buona. Ci se la zumba, ci se la fuma. Ci alza la mano all'aria, ci se la balla con la bagnona. Là dentro il brucia quando lui DJ mixa. Quanto la ragancina dici cazzo come ci spezza. Disco su disco a mia mamma e basta. Sta musica ribelle veramente la più resta. Ma questa sera sta cresce ancora. Arredo la console, c'è te ci face la scuola. E da cultura a ci vuole impara. Il meglio modo confronta la vita pure che dura. Degli anni 90 minchia oltre il 2000. Ormai su pure chiude 10 anni di storia. Che sempre più gente con sta musica cammina. Che c'è una realtà in ogni città d'Italia. E entra la danza ed è qui già che domina. Sempre di più la gente mo' stipola. Cubezza libera con la capo e con l'anima. Perché sta musica porta coscienza e pur verità. Chiaro, la denso il brucia se lo dice seleziona. Musica reggae, musica buona. Ci se la zumpa, ci se la fuma. Ci alza la mano all'aria, ci se la balla con la bagnona. La denso il brucia quando lo DJ mixa. Vito vinicolo insieme lo DJ satta. Disco su disco a mia mai me basta. Sta musica ribelle veramente la chiude e stacca la gente. Ora la musica è bene con ballato te cancete. Perché è ancora più bello quando con lauri si condivide. Vito che te brucia un pietro, vito che tieni un cuerpo. Quando dici non me supporto, ma destra rasa non me ne scappo. Calo salento e testo, ma ancora più riesco, capace me face. Se non c'è un posto ne facimo danza pirata. Come se faceva una fiata, c'ha le curti mi sono lasciata. Qui sta cultura non c'è, c'è di tocca con l'accide. Allora sentilo, sto disco ballalo. Qui sta lo suono, cade scarpa veramente dentro all'animo. Sentilo, il volume alzalo. c'è dell'udice, sette insieme all'uvito vinicolo. Sentilo, sto disco ballalo, la vibrazione qui già giusta, beh, sul momento unico. Sentilo, il volume alzalo, finché non bicchia tutta l'aria e ti esiti libero. Libero dello sistema che cerca sempre con umana, e ribella ogni mass media che la cava un cercante in panna. Ribella ogni cuglione che si scandalizza per una canna. Ribella ogni merda che te l'antirita e te le detaglia. Ribella ogni voltoio che cerca solo puzza in goia. Li frutti dei ci cerca con fa dentro la propria terra. Con lo gusto dei piardi ogni cosa la parte è bella. Come quando la gente entra nella danza con la puzza e balla. La dance all brucia se lo DJ seleziona. Tutta la gente o le musica buona. Ci se la zompa, ci se la fuma. Ci alza la mano all'aria, ci se la balla con la bagnona. La dance all brucia quando lo DJ mixa. Quanto pare cancigna dici cazzo come ci spezza. L'ubito vinicolo insieme allo DJ Zatta. When I listen this tune, my man's scream. Bless the ladies. There's the mother of the future. Give them to the creator and sing. Bless the ladies. Make what I do. When I listen this tune, you know the messages. Bless the ladies. Me represent the women all over the planet. So me I chant, chant. Bless the ladies. Benedette sono le femmine, ce la create. L'uomo non va danza per le sempre vanno ringraziate. Questa è la regola e Pushing lo sape. Cazzo un cavenano le femmine vanno rispettate. Invece quante se ne vedono da me in sale estate. Minacciate, maltrattate, cadate, deportate. Dall'uva isi loro pece venono accecate. Da la promessa della patria che ludere le pace. When I listen this tune, my mom's dream. Bless the lady. The mother of the future, get up to the creator. Bless the ladies. Make what I do when I listen to Zoom, you know the messages. Bless the ladies. Me represent the women of the plan, so me I chant, chant. Bless the ladies. China ne care chino si capitan gold. Da wanye da na sojete te na nanu gold. Na zubo ne shkita mogu kula la den zol. Mamo son grade da chan en gued le pantalon. A chi sa masca lanje vole na lezion. La scuso du sesso debole non na nye bon. Na mini gole na porto giusta fa calazion. La busa la volenza in città che la luna cu sol. Troppa di rita vena na violat. Derita de se se se se senza saditat. Derita de na yes condizionate comanat. Da nu padre padrona cambo. La legge tu mascara da casa. Femmana menate, femmana velata. Cappa nero, venana sfregiata, bruciata. Femmana ma non è del turismo sessuale. Femmina meridionale, sotto me la storia è sempre uguale. When I listen this tune, mia girl singa. Bless the ladies. This is the mother of the future. Get down to the creator. Bless the ladies. Make what I do. When I listen this tune, you know the messages. Bless the ladies. Now I'm present on women all over the plans. Open me a chant, chant. Bless the ladies. In every way and now come the rhythm. This woman wanna see with this son what I think. The message is so clear, you know what I mean. My mama we ask, feel the girl them sing. Open me, me, bless the ladies. Every girl is a miss. Me no wanna see no tears, no pain on my girl face. Open me, bless the ladies. Every girl is a miss. Me no wanna see more frustration and violence for my queens. And I sing, when I listen this tune with me scream. Bless the ladies. There's the mother of my life. Sing with me tonight, night. Bless the ladies. Make what I do when I listen this tune. You know the message. Bless the ladies. Covers and the women over the pump, pump. So baby, I chant, chant. Bless the ladies. Make what I do. Yes, ma'am, then sing with me. The plan represents the women, yeah, chant. Bless the ladies. Bless the ladies. Every girl is a miss, miss. Bless the ladies. Remember this, yeah, man. Bless the ladies. Every girl is a miss, miss. Bless the ladies. Radio Panique, Tortolier Batax. Yes, I. Yes, I. C'est le retour, c'est bon ça. C'est du reggae spécial Italie. Il y en a plein des comme ça, il y en a plein des big tunes. C'était Mama Marja, c'est juste avant c'était Don Rico. Et là, tu peux nous faire un petit pull-up sur le 90 90 Posse. C'est parti. 99 Posse. Curre, curre, Waglio. 2291991. Un giorno come tanti, ma non certo per qualcuno. Qualcuno che da giorni, mesi, anni sta lottando contro chi di questo stato una gabbia sta facendo reprimendo. Attento, ascolta, dico reprimendo chi da solo denuncia e combatte, si fa niente, sa bene che significa emarginazione, esattamente quanto costa amare un centro sociale. Officina 99. Curre, curre, Waglio. Curre, curre, Waglio. Si non scatta di manette strette ai polsi dentro un cellulare. Waglio, fa più rumore nel tuo cuore di un comizio elettorale. Waglio, se in un bisogno soddisfatto sei sicuro, non ti puoi sbagliare. Waglio, va la più una bella giacca con telefonino cellulare. Waglio, io, allora chi sto momento e tu li ha supera. Cado piaccio dalla mia in dio momento roccupa. Curra, curra, Waglio. Intera come sbirri di frontiera in un paese neutrale, anni persi ad aspettare qualcosa, qualcuno, la sorte o perché no la morte, ma la tranquillità, tanta cura per trovarla, sì la stabilità, un onesto stare a galla di una fragilità. Waglio, di una fragilità. Waglio, io, forse un tossico che muore proprio sotto al tuo balcone, forse un inaspettato aumento roba sono, forse un licenziamento in tronco roba drone, forse una risata in faccia in un carabiniere. Non so bene, non so dire dove nasca quel calore, ma so che brucia, arde e freme, trasforma la tua vita, no tu non lo puoi spiegare, una sorta di apparente illogicità ti fa vivere una vita che per altre assurdità, ma tu fai la cosa giusta, te l'ha detta quel calore, ti brucia in petto, odio mosso d'amore, d'amore. Waglio, curro, curro, waglio. Tanta mazzata pigliate, una buona l'ammarata. È nata. Nata! Centro sociale occupata. Nata! Centro sociale occupata e mogo cazzo c'è cacciata. È nata. Nata! Centro sociale occupata. Nata! Centro sociale occupata e mogo cazzo c'è cacciata. Curra, curra, Waglio. Mamma e guardia casa savetta vare, e uno spazio popolare non è buono. Perché controculturale magari. Perché rompo cazzo a troppa gente, sì ma allora perché tu mi vuoi rompere cazzo e no pure a te. Ma se non sta nervatura o staccio buono. Perché mi sono rotto cazzo pure sulle tavare. Figurami se senti che tiene a ricerca a me. Stronzate 40 anni potere. Perché a gente te ne fa messa fa strunziate. Tu mi manno celerina mi sgomberà a me. Ma non basta mangani e la moto dico oi ne. Perché non mi fai più male a giambare ad accare. Curra, curra, Waglio. Curra, curra, Waglio. Yo. Curra, curra, Waglio. Curra, curra, Waglio. Yo. Curra, curra, Waglio. Curra, curra, Waglio. Yo. Curra, curra, Waglio. Curra, curra, Waglio. Yo. Curra, curra, Waglio. Curra, curra, Waglio. Yo. Curra, curra, Waglio. Tortoli e Arbatax, la radio numero uno in Italia. Ah, ça fait rigoler. C'est rigolo. C'était 90 posse, il me semble. 99 posse, si. Cure cure wayo. Ça c'est très très bon, c'est un gros classique en Italie. Yes, d'où ils viennent cela? De Napoli. Napoli mon ami. Napoli, très la bien. Vraie città. Qu'est-ce qu'on va pouvoir s'écouter un petit à l'ancienne après hein. Après c'est un petit son à l'ancienne aussi comme tu dis. C'est pas encore un classique mais c'est bien à l'ancienne. C'est bien à l'ancienne, vous allez d'ailleurs entendre le petit comment on appelle ça, le petit crépitement je crois hein, du vinyle. D'une part parce qu'on a trouvé que celle-là, on n'a pas trouvé en meilleure qualité. Et puis en même temps on s'en fout, c'est pas grave, ça fait vintage. Ce sera donc le Sound System Villa Ada Posse et le chanteur, le MC, c'est Brusco. On sera sur le registre du reggae aussi. Du reggae fumeur, hein, parce qu'il me semble que le titre c'est Fumo Tanta Herba. La tune s'appelle Fumo Tanta Herba. Ça veut dire je mange comme j'ai soif, à peu près, hein, si je traduis bien. Hey, Tortoli, sors-nous donc la grappa du placard. Oh merde, non, il y en a plus. Allez, là, je l'ai killé hier. Dis donc, Tortoli. Dis-moi. Attends, dis-moi. J'ai ma poche qui vibre. Je reçois un petit texto des sponsors. Ils sont pas contents du tout. On a pas assez fait de pub. Là, apparemment, faut matraquer quoi. Faut matraquer. Alors, désolé, cher auditeur, on va repasser un petit réclame et puis on passera sur une petite tune reggae juste derrière. Parce qu'il faut bien qu'on mange. Vitoni vous invite à savourer l'Italie. L'espressione malinconica e quel sorriso in più, ma cosa mi fai? Sei un bisogno. I maschi disegnati sui metri. Sauce bolognese e tagliatelle buitoni. Buitoni, l'Italia che je préfère. Erbe non me pongo freni, tu fumi le Marlboro e sai che t'avveleni. Me suono dei gattoni, me sogno le piantagioni. E quando che gira il cilum siamo tutti più buoni. E quando che cala la sera arriva un momento. Grazie al mio cilotto acquisto un nuovo portamento. Cambia lo stato d'animo ma non l'atteggiamento. Me sento più felice in questa merda de cemento. E non me va che poi la gente possa dire dietro parla di me, perché non sa ma forse un giorno ci arriverà da sé a capire che il mondo non è, che se una cosa è legale allora non fa male. Tanta gente c'è finita all'ospedale, ti dico tanta gente c'è finita all'ospedale. Ti ricordi la salmonella, ti ricordi l'etanolo, te vendevano la merda e la chiamavano Barolo. Invece la marijuana non c'ha i pesticidi, al massimo si ce l'ha quando la fumi li uccidi. È fresca e naturale, però non è legale, per questo tanta gente dice che fa male. Ma non è vero, e so sincero, perché la vita è mia e ci tengo per davvero. E se tu fumi, me puoi capire, la gente che per me non sa deve tacere. Sapessi quanto è bello la mattina appena alzato, trovare accanto al letto un cilum già chittato. Amico, perché critichi se nulla hai mai provato? Ma come te permetti a dirmi che sono drogato? Sì signorante amico, non parlare, se non sei un cazzo non ti pronunciare. Se non sai l'argomento come fai a criticare? Te devi da sta zitto e devi da ascoltare. Mi sento in una gabbia dentro a sta città, non lo sai quante le cose che dovrebbero cambiare. Purtroppo se continua sempre a criminalizzare, sono sempre dei più limiti posti alla libertà. Me fumo la marijuana e me ritengo normale, non sono un assassino neanche un pazzo criminale. Purtroppo questa qui è la realtà attuale, e bruciano la vita appena cosa naturale. Come l'erba, come l'erba, metti qualche spiccio. Ta-ta-ta-ta-ta. benvenuti su Radio Panic e lo speciale pasta party di Tortoli e Arba Tax. Oggi pene rigate per tutti! Ciao! Ciao! Pene elle... rigate. Elle est cool notre nouvelle standardiste, hein, qui fait les jingles et tout. Eh ben, je crois qu'on devrait la garder pour toute l'année. On va la garder. On va la mettre au frais. Voilà, donc en français, le jingle disait... Pene rigate pour tous, c'est spécial Italie, dit-il. Tortoli Arba Tax vous emmène dans le sud cette semaine, j'espère que vous aimez ça, j'espère que t'as pas pris trop de coups de soleil auditeur. J'espère que t'as mis tes lunettes de soleil, tes tongs. J'espère que t'as la crème solaire parce que la semaine prochaine on s'en remet une couche. La semaine prochaine ce sera spécial Italie volume 2. Et ouais, préparez vos Mister Freeze, ça va sousser, ça va sousser du glaçon. On retournera en Sardaigne, on retournera dans le Salento, dans les Puglia, on retournera en Calabre, on retournera à Rome. Donc après la pene rigate d'aujourd'hui, on serait sur une escalope milanaise. Milanaise. Bien ça joué. Ça serait le thème de la semaine prochaine. Allez, on part sur une escalope milanaise la semaine prochaine. La spéciale. La spéciale. Et voilà. Là, vu qu'on a un peu de temps, mais pas trop, et qu'on aimerait bien vous quitter en beauté, on va peut-être vous faire deux beautés. Deux beautés. On serait sur deux classiques de la semaine. Écoute ça, cher auditeur, cette semaine, on est sur deux classiques, c'est la première fois. Ouais, c'est... Il y a un moment où il faut établir les premières. Il y a eu des grandes premières dans l'histoire. Et là, je pense que ce soir, la spéciale Italia, ça va être une grande. Je te laisse juste deviner c'est quoi le classique. À ton avis, un grand classique italien. Un grand classique. Tu me le fais deviner à moi ou... Vas-y. Alors, ça commencerait par un P. Voilà. Paolo Conte. Yeah, man. Yes, it's wonderful. Paolo it's Conte. Wonderful. Yes, cool. C'est pas de notre génération, mais celle-là est ultra connue. Elle est transgénérationnelle. Celle-là s'appelle... Tu parles trop bien, Arbatax. J'ai du vocabulaire. Des fois, j'invente des mots, mais des fois, j'en ressors des bons. Mais enlève ta main de ma cuisse. Enfoiré. Allez, ma poule. C'est parti. Premier classique de la semaine, Paolo Conte. Via. Vieni via di qui. Niente più ti lega questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via, neanche questo tempo grigio, pieno di musiche e di uomini che ti son piaciuti. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. Good luck, my baby, it's wonderful. It's wonderful, it's wonderful. I dream of you. Chips, chips. Do do do do do. Chibum chibum. Do do do do do. Chibum chibum boom. Do do do do do. Via via, vieni via con me. Entra in questo amore buio. Non perderti per niente al mondo. Via via. Non perderti per niente al mondo lo spettacolo d'arte varia di uno innamorato di te. It's wonderful, that's wonderful, that's wonderful. Good luck, my baby, that's wonderful, that's wonderful. It's wonderful, I dream of you. Chips, chips. Do do do do do, chip, chip, boom. Do do do do do, chip, chip, boom. Do do do do do. Amore buio, pieno di uomini. Yeah. Entra e fatti un bagno caldo. Ti chiffi? Fatti un bagno con me? Vas-y, mon ami. C'était Paolo Conte, It's Wonderful. Te piace, Paolo Conte? Avec l'accent français, s'il vous plaît. It's wonderful. C'est la fin de l'émission, vous pouvez nous retrouver dès la semaine prochaine, mardi 18h, 19h, comme tous les mardis, j'allais dire, mais comme toutes les semaines. Comme toutes les semaines. Sur Radio Panique, c'était Tortoli et Arba Tax, vos serviteurs. Vous retrouverez la playlist de notre émission qu'on vient de faire juste à l'instant sur le site de Radio Panique. On a une page Tortoli et Arba Tax. Voilà, la playlist est dispo, mais il y a mieux, je crois, Arbatax. Hein. Et on a également un Facebook, exact. On a un groupe Facebook sur lequel tu peux lâcher rêver. Tous tes commentaires et aussi retrouver le podcast de l'émission, un lien qui t'emmène voilà, vers un site où tu peux télécharger ou écouter l'émission. Librement, voilà. Exactement. Donc ouais. La semaine prochaine, auditeur, tiens-toi bien, souviens-toi, c'est Spécial Italia volume 2, tu te sapes à la milanaise, tu mets la classe. Parce que la semaine prochaine, c'est Escalope Milanaise. Allez, on se quitte sur un classique. Deuxième classique, Adriano Celentano, Chiusana, Suzanne. Ciao, ciao, arrivederci. Ciao. Sette giorni a Portofino, più di un mese a San Trofe. Poi mi hai detto cocorico, non mi compri colpa te. E sei scappata a Malibu con un grossista di bijou. Mi preoccupa pa, ma va. Spese in balia degli usurai, sovvenziono quattro streghe per poi sapere dove stai. E tuo marito sta qui da me, che mangia e dorme come un re. Susan!